إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous sommes toujours avec notre livre Mu'taqad al-Sunnah wal-Jama'a fi Asma wa Sifat, fi Tawhid al-Asma wa Sifat. Nous sommes arrivés au sens du mot ta'til. Ta'til dans la langue arabe provient du mot al-'atl ou bien al-'atl, c'est-à-dire celui qui va être vidé ou dénué. C'est le fait de délaisser, c'est le fait de dénuer, c'est le fait de vider quelque chose. Lorsqu'Allah dit wa bi'rin mu'attal, lorsqu'il dit donc subhanahu wa ta'ala wa bi'rin mu'attal, c'est-à-dire que les gens ont délaissé ce puits. Donc c'est un puits qui est vide. C'est un puits qui est vide, car il a été délaissé. Et après, il s'est vidé de son eau. C'est ça le ta'til, c'est le fait de dénuer quelque chose, le fait d'enlever quelque chose. Et le ta'til, il est divisé en trois. Et il y a trois types de ta'til. Donc il y a celui qui va être... Donc celui qui a le ta'til, c'est le fait de renier qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, ou le fait de renier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé quoi que ce soit. Donc la personne va renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé, ou que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé, comme on voit Al-Dahriya. Donc parmi les sectes, Al-Dahriya ou bien Al-Malahida. Al-Dahriya, c'est-à-dire que Al-Dahl, c'est le temps. Dahl, c'est le temps. Lorsqu'on dit Dahlia, c'est-à-dire que ces gens ils disent Wama yuhlikuna illa Dahl. C'est-à-dire que le temps, c'est lui qui va nous faire périr, dans le sens où on vit, on meurt, après il n'y a plus rien. Donc on n'a pas été créé. On vient, on est, on vit et on meurt, tout simplement. Donc ces gens-là renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un ta'atil qui va être kulli, qui va être total, qui va être global. Ce ta'atil va être, bien sûr, global, le fait qu'il renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, c'est le fait de renier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire envers ses serviteurs, comme donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de l'unifier bien sûr dans son adoration. Et parmi les exemples, c'est le shirk, l'associationnisme, ceux qui ont bien sûr donc adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. Ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. Et le troisième type de ta'til, c'est le fait de faire ce ta'til, de commettre ce ta'til là vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis des noms, de ses caractéristiques, de ses attributs subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses actes. Et ce troisième type, donc, c'est bien sûr le vif du sujet, c'est le sujet. Donc lorsque la personne commet ce ta'atil dans le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il va renier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien renier quelques noms ou attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne aura bien sûr renié donc les attributs divins, afin de, bien sûr, de renier aussi l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut par cela renier l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne veut pas accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, entend, parle, va. Il a créé, descend au premier ciel. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, il a créé. Et ceux qui sont comme cela, donc ceux qui vont renier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on les appelle al-mu'attila. Et ils sont divisés en deux grands groupes. Le premier grand groupe, c'est al-falasifa, les philosophes, qui ont pris bien sûr donc d'Aristote et d'autres. Et ces philosophes sont encore divisés en deux. On retrouve encore dans ce grand groupe deux parties, deux mini-groupes. Le petit mini-groupe, c'est donc les philosophes qui sont, c'est-à-dire les purs, hein, les purs et durs, les philosophes purs et durs. Et le deuxième groupe, c'est les philosophes, ce qu'on appelle al-batiniya. Al-batiniya. Al-batiniya, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées dans l'islam. Et il y a des choses qui sont apparentes dans l'islam, et il y a des choses qui sont cachées. Et les choses apparentes de la religion, ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais eux c'est surtout par rapport au Coran, le fait qu'ils renient directement la sunna, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils disent que Allah parle, et les gens qui ne comprennent pas, les gens qui n'ont pas, qui sont dénués d'intelligence, vont comprendre que si Allah dit accomplissez la prière, donc on accomplit la prière que l'on fait actuellement. Donc ça c'est pour les gens qui ne sont pas intelligents. Mais eux, comme ils sont une élite, ils ont une certaine intelligence donc qui est suprême, ils comprennent ce que Allah a voulu dire par la salat. Donc par exemple, certains d'entre eux vont dire, c'est le fait de dire, مثلا, de faire doa pour Ali, Muhammad, ou Ali, Hassan, Hussein, Fatima, et la Khali. Donc c'est ça la salat chez eux. Ou autre exemple encore, le Hajj. Le Hajj, c'est pas le fait d'aller donc à la Mecque, hein, le fait de faire le Hajj que tout le monde connaît, donc ce rite connu, pour eux, le Hajj, c'est d'aller visiter les saints. C'est d'aller visiter les saints. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on retrouve certains d'entre eux, parmi les Nusayri, qui vont même aller en Palestine dans des églises, soi-disant qu'il y aurait des saints morts dans ces églises. Donc ils vont même dans les lieux de culte qui ne sont pas de leur religion, de fait qu'ils se disent musulmans. Donc ça c'est, de façon générale, le batinia. C'est le batinia, comment sont-ils? C'est-à-dire que l'islam a des choses cachées, il y a des choses apparentes. Les apparentes, c'est pour justement ceux qui ne comprennent rien. Et les cachées, c'est pour les élites comme eux. Et tu ne peux arriver à l'élite, tu ne peux arriver à comprendre cette chose-là que par 9 points différents, que par passer par 9 points. Ils ne viennent jamais dès le départ, comme les Rawafid n'ont jamais commencé, lorsqu'ils ont commencé à faire leur révolution et tout ça, donc les chiites, depuis une vingtaine d'années, qu'ils ont réussi à faire leur dawa un peu partout dans le monde, ils sont venus donc, bien sûr, avec le kramis, avec la barbe, avec le jilbab. Ils sont venus avec des choses qui sont apparentes, sur les angles, c'est pour défendre l'islam, c'est pour ceci. Et après, petit à petit, ils changent. Donc il y a soi-disant la défense de la sunna. Après, il y a soi-disant une plainte. Donc ils se plaignent. Et après, soi-disant, cette plainte-là, tu ne peux pas la comprendre. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela jusqu'à ce que tu arrives à perdre ta religion jusqu'à la fin. Batinia, c'est pour que tu perdes. C'est pour que tu, en vérité, que tu enlèves cette peau qui est celle de l'islam. Il faut que tu enlèves cet habit qui est de l'islam à l'origine. Donc, et les falasifat sur le Batinia, bien sûr, ils sont divisés eux aussi en deux grands groupes. En deux grands groupes. Qui sont Rafida, hein, Rawafid, donc les chiites, qui sont de façon générale majoritaire actuellement, Rawafid, c'est ceux qui sont majoritaires chez les chiites, l'Iran et ceux qui commencent à les suivre, même si avant on retrouvait quand même beaucoup de Zaydites et la Khiri comme au Yémen, mais actuellement ils sont en train plutôt de devenir Rawafid que le fait de rester Zaydites, et les Soufis, Sofia, et les Soufis. Et le deuxième grand groupe, donc on a vu Al-Batiniya, le deuxième grand groupe qui sont les gens de la parole. Donc il y a une différence entre les gens de la parole, les gens de la rhétorique, et el-falasifa, et les philosophes. Il y a une différence. Le philosophe, c'est pas quelqu'un de la parole. On n'est pas considéré comme un ul-kalem. Et ceux-là, ils sont divisés en 5. Ils sont divisés en 5. Premier groupe qui est el-jahmiya. Deuxième groupe, el-mu'tazila. Troisième groupe, el-kullabiya. Quatrième, el-asha'ira. Et cinquième, el-maturidiya. Et après, on verra de façon plus précise qui sont-ils. Lorsqu'on parle de Jahmiya, on revient à Jahm ibn Safwan, qui en vérité propagé. Lui, il a pris d'autres que lui. Il a pris de Jahd ibn Dirham. Donc ils ont pris. Il a pris d'autres personnes comme lui. Ils ont pris d'autres personnes qui étaient avant lui. Mais le fait que c'est lui qui a propagé ce dogme, cette façon de penser. Donc c'est pour ça qu'on dit Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, c'est le fait de renier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux sont venus, c'est les premiers qui sont venus. Al-Jahmiya, donc c'est les pires d'entre tous, et ce sont les premiers qui sont venus. Et vient après eux, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila sont venus en réponse à Al-Jahmiya. Non seulement sont venus après eux dans l'histoire, mais parce qu'ils sont venus de toute façon pour leur répondre. Cette secte est née pour répondre à Al-Jahmiya, le fait que les Mu'tazila reconnaissent les noms d'Allah, mais pas les attributs. Donc, ils reconnaissent les noms. Les noms existent bien, même si elles n'ont pas de sens. Ce ne sont que des noms qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, tout simplement. Et aussi, vient à répondre encore ceux qui viennent après, toujours la même chose, le Kullabiyya, qui est une sorte de Ash'ari. Donc, eux, ils reconnaissent les attributs d'Allah, ils reconnaissent les noms d'Allah, et quelques attributs, du fait que ces attributs-là sont acceptés par le Aql. Ces attributs sont acceptés par la raison. Donc le fait qu'Allah existe, donc le Hayat, ils reconnaissent. S'il existe, il a créé donc il a tout créé, donc il a une volonté. Al-Irada, ils la reconnaissent. Et il en a une capacité, puisqu'il a créé. Donc Al-Qudra, ils la reconnaissent. Ils reconnaissent le fait aussi qu'il parle, il a créé. Donc ils reconnaissent quelques sifats. Et l'Ash'ari vient après eux encore. Toujours la même chose. C'est comme eux, donc il n'y a pas une grosse différence entre le Kullabiyya et l'Ash'ari. La seule différence, c'est que l'Ash'ari sont venus après. Pourtant, l'Ash'ari sont les élèves du Kullabiyya, mais avec des nuances. Donc il y a eu, bien sûr, entre eux des nuances. Tout en restant toujours en reniant, en acceptant les noms d'Allah. Donc ils les reconnaissent, mais renient toujours énormément d'attributs. Et après eux viennent Maturidiya. Maturidiya, toujours la même chose. Donc ils vont arriver aussi à rajouter quelques attributs d'Allah. Donc ça peut être 16, ça peut être 8, ça peut être 16, 17 et la khiri. Ça dépend de qui est venu, qui est entré. C'est-à-dire leur chouyour, comment ils ont, bien sûr, leur chouyour, comment ils ont vu cela. Donc le fait que c'est une religion qui est acceptée à partir de la raison, automatiquement les raisons elles diffèrent, donc il y aura bien sûr des nuances. Il n'y aura jamais de, on se traîne à partir du moment qu'on se détourne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se détourne de la vérité, on est obligé de faire des erreurs. On est obligé de justement d'entrer justement dans les erreurs et on ne va pas retrouver d'unanimité. Il n'y a pas une secte qui est unanime dans ce qu'elle fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une secte qui est unanime dans ce qu'elle fait. On retrouve dans toutes les sectes énormément de sous-sectes ou bien sous-bassements. Et on verra que le hal un peu plus sur eux, Inch'Allah. Et lorsque les gens de la Sunna du consensus qui disent qu'ils affirment ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et aussi dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'ils ont dit Minghili, on avait au début Tahrif wa Ta'til, et après wa Ta'til, et après c'est Takhif wa Tamthil. Takhif, c'est le fait de dire que quelque chose est comme cela. Donc à ce moment, c'est un comment. On va dire que cette chose-là est comme cette chose-là. Donc il y a une ressemblance, il y a une totale ressemblance. D'accord. Sans que, elles vont dire ça, c'est comme ça, sans donner un exemple direct, parce que le Mumathil, c'est pas le Mukayif. Et aussi, donc on retrouve par exemple des gens qui disent, comme Al-Hishamiyya, qui disent Touluhu ka'irdihi. Donc la longueur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien sa hauteur, donc Allah est aussi haut qu'il est large, comme si c'était un carré. Ouais, si vous pouvez appeler ça comme ça, comme si c'était, donc on va dire, deux côtés identiques. Hein, deux côtés identiques. Ils disent ça par exemple. Ou bien ils disent aussi Touluhu Tulu Sab'ati Ashbarin Bishibri Nafsi. Donc la même chose là aussi, ils donnent toujours donc, des exemples, sans donner des exemples concrets. Mais ils disent que enfin, ça c'est sept fois comme cela. Ceci est sept fois comme cela. Donc ça c'est des exemples parmi pour montrer qu'est-ce que justement le tekif. Et temthil, donc lorsqu'on parle de temthil, parce qu'on a vu tekif, le temthil, c'est le fait de croire fermement que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme, donc exactement comme, à ce moment-là on va donner un ressemblant, celle de ses créatures. Celle de ses créatures. Donc pourquoi tous comme ils le sont, ils sont arrivés à ce point-là, c'est parce qu'ils ont voulu, soi-disant, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'exempter de tout défaut. Donc ils ont dit, si on disait qu'il avait une main, si on disait qu'il avait une main, qu'il venait, qu'il partait, il a khali, qu'il était heureux, hein, donc le fait qu'Allah, justement, est content, il a khali. Donc à ce moment-là, si on accepte cela, ça veut dire qu'on le fait ressembler à l'homme. Donc ils ont voulu, soi-disant, faire un bien, mais se tomber dans un mal, en vérité, qui est plus grand, qui est plus grave. Donc le temthil. Donc on a vu donc, par rapport au temthil. Et on voit que le tekif, c'est plus général que le temthil. Le temthil, ça sera plus précis. Le temthil, donc, c'est le mumathala. C'est le fait de donner un semblant. C'est le fait de donner un égal, un semblant. Donc il y aura une précision parce qu'il y a un semblant. Lorsqu'on dit sa largeur est comme sa longueur, ça reste quand même encore général. C'est plus général que le fait qu'on va donner quelque chose qui va bien être plus précis. Donc, le fait que tout takif est temsil, donc le fait que le takif est plus général que temsil, donc on peut dire que tout temsil est takif. Tous les mumassal, donc toute ressemblance sera automatiquement un courant, entrera dans le courant. Car lorsque tu dis que que tout temsil donc est takif, car lorsque tu dis que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les attributs de ses créatures, en ce moment-là, bien sûr, tu vas donner un comment. Tu vas donner le kayfia, parce que tu as dit que tu sais comment elles sont. Tu donnes un semblant, donc tu donnes le kayfia. Par ton temsil, par ta ressemblance. Ta ressemblance, elle engendre automatiquement ce kayfia, le comment, ce comment. Mais le contraire, non. Et le takif, donc, n'est pas automatiquement un temsil. C'est pas tout takif qui va être un temsil. Comment on a donné un exemple? Sa longueur est comme sa largeur. Ça ne nous avance pas. Ça n'avance, à rien à personne, ça ne va pas avancer quoi que ce soit. Donc ça ne nous avance pas dans ça. Mais bien sûr, c'est une erreur, il ne faut pas dire ça. C'est des paroles qui sont fausses, mais ça ne nous avance pas quand même, malgré ça. Donc lorsque les gens de la Sunna disent une réalité kif, c'est-à-dire une réalité kif, c'est-à-dire sans comment que la raison pourrait essayer de s'imaginer. Sans comment que la raison pourrait essayer de s'imaginer. Car la raison de l'homme est restreinte. Elle est restreinte. Elle est restreinte à ce qu'elle peut voir. On peut parler de quelque chose que si on l'a vu, ou si on nous l'a expliqué, ou si donc on nous l'a quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de sûr que l'on connaît, nous l'a dit que cela est comme ça, ou si on a un égal. Ou si on a un égal. Si tu l'as vu, donc tu en es témoin. Si quelqu'un de sûr l'a vu et te l'explique, donc il y a eu un témoin aussi. Et si tu as quelque chose qui est égal, ou bien un semblant, à ce moment-là, tu peux, ou quelque chose qui est proche, tu peux avoir une idée de la chose. Si on venait parler de n'importe quelle voiture, si tu me dis, enfin, la 607, elle ressemble à la 407, mais un peu plus large, ou un peu plus ceci, j'ai déjà une idée. Tu m'as dit, elle est un peu plus arrondie. Moi, déjà, le fait que je connais, j'ai déjà quelque chose de départ, j'ai déjà une vision de départ, donc je sais comment arriver à la deuxième vision à peu près. À peu de choses près. On pourrait être très proche de cela. Mais là, rien. Parce qu'il n'est pas possible d'apprendre sa religion, ou bien de prendre un khabar, de prendre une annonce dans quoi que ce soit dans la religion ou dans autre chose. Que par quelque part notre vision, notre témoignage personnel, ou par le témoignage de quelqu'un qui est sûr, dont on a confiance, ou par le témoignage d'un exemple. Si on me disait, j'étais dans les Pyrénées, mais c'est un exemple, ça ressemble aux Alpes. C'est une façon de parler, ça ressemble aux Alpes. Les Alpes, je les ai vues, mais je n'ai pas vu les Pyrénées. Donc je m'imagine, j'arrive à m'imaginer. Mais c'est un exemple. Parce qu'on a encore une fois, on a un élément qui va pouvoir justement nous aider pour cet exemple. Mais pour Allah, il n'y a rien de tout ça. Je veux dire, par rapport aux sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elles sont venues? Comment on les connaît? On les connaît par le Coran et par la Sunna authentique. Donc on les prend, comment elles sont venues? On ne peut pas dépasser cela. On ne peut pas dépasser cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas montré à qui que ce soit, ne s'est pas montré justement à ses serviteurs. Donc on ne peut pas dire qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Déjà, ruh, l'âme qui est en nous, on ne le connaît pas, pourtant c'est une partie de nous. C'est une partie de nous et pourtant on ne le connaît pas. Alors que dire de ce qui est encore, de que dire de Allah subhanahu wa ta'ala, que dire de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on dit une réalité kif, ça ne veut pas dire qu'on renie qu'il y a un comment. On ne renie pas le comment. On ne connaît pas le comment. Mais on ne le renie pas. Le comment existe. Il y a bien un comment. Chaque sifet, chaque chose, chaque essence, chaque objet ou quoi, a bien une sifet. Donc ça c'est un verre. On sait comment il est. C'est du plastique. C'est, on va dire c'est un. C'est transparent. C'est ceci, c'est cela. Ça a des rainures. On a une sifet. Un mur, c'est une sifet. La chose la plus simple aura une sifet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait doté d'attributs, donc ses attributs, prouve cette sifet. Il y a des attributs qui prouvent, bien sûr, ce zat, l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque chose a un comment, obligatoirement. Chaque chose est attribuée de comment. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne renie pas le comment, mais on renie la science du comment. On ne la connaît pas. On renie le fait qu'on ait de la science de ce comment. On ne sait pas comment Allah est, parce qu'on sait qu'Allah il est grand, mais comment Allah alim. On ne peut que savoir qu'il est très grand. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire, tout ça, par exemple, ses mains, ses yeux, mais enfin, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, comment Allah alim. Allah a l'impression en ce moment, on n'a pas le comment. Pourtant, on accepte bien ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité, nous a parlé de ses attributs. Mais il ne nous a pas, bien sûr, parlé du comment. Donc on doit s'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala s'est arrêté. On ne dépasse pas, bien sûr, le Coran et la Sunna. On s'arrête là où ils se sont arrêtés. Et on comprend comme les pieux prédécesseurs ont compris dans ce domaine-là. Donc il ne nous a pas demandé de fouiller, d'essayer, de chercher, de comment. De dire, je vais réussir un jour. Donc dès le départ, enlève tout désir que tu vas réussir à arriver à un résultat. Il n'y aura pas de résultat. Tu ne peux pas arriver à un résultat. Tout désir doit être enlevé dès le début, dès le départ. Il n'y a aucun désir de cela. Ce n'est pas la peine d'essayer. Ni par tes pensées, ferme tes yeux, reste où tu veux, au milieu de la nature, fais ce que tu n'arriveras pas. Ce n'est pas la peine d'essayer. Ne t'invente pas. Tu t'auras, que fait donc Bernier par Shaitan pour t'éloigner justement de la vérité. Pour t'éloigner de la vérité si tu cherches quoi que ce soit. Si tu cherches. Et on a un exemple vis-à-vis du comment. Donc le meilleur exemple, c'est bien sûr la parole de l'imam Malik, rahmallah, lorsqu'il dit Al-Istiwa ma'loumoun, vis-à-vis de l'Istiwa. Et c'est une règle pour tout, mais sur les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'il s'est établi sur son trône, c'est connu, c'est ma'loum, parce que c'est prouvé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-kayf majhoulun. Le comment est inconnu. On est ignorant, nous, du comment. L'humain est ignorant de ce comment. والإيمان به واجب et on doit y croire parce que ça rentre dans l'iman bil ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala l'a annoncé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi l'a annoncé dans la sunna authentique. On est obligé d'y croire. Si on n'y croit pas, en ce moment-là on aura commis un acte de mécréance. وسؤال عنه بدعة et poser la question du comment, c'est une innovation, parce que justement tu cherches à exagérer, tu commences à entrer dans trop de questions. Comme ont fait les peuples qui étaient avant les peuples de l'islam, lorsqu'ils ont commencé à trop poser de questions à leur peuple, ils ont péri. Ça, c'est un signe de la perdition, de poser des questions sur ce dont aucun texte mentionne. Tu poses des questions sur le comment. Le comment n'existe pas. Que tu prends, donc tu dois les accepter comme cela est venu, sans entrer dans les détails. Donc ça, c'est une règle. Lorsqu'on parle du temthil, le temthil, donc le mathil, c'est-à-dire l'exemple ou ce qui va ressembler, donc c'est nid ou nazir, donc l'égal. Hein, l'égal, ce qui est équivalent. Ça, c'est le fait que c'est l'équivalent. El temthil, donc c'est le fait de croire fermement que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les attributs de ses créatures. Enfin, tu dirais, sa main est comme ma main. Son ouïe est comme le mien. Et ça, bien sûr, c'est, donc en ce moment-là, c'est parler sur Allah, ce dont on n'a pas de science. El temthil, hein, donc avec le teshbih, ont un seul sens. Lorsqu'on dit temthil ou bien teshbih, ont un seul sens. Sauf qu'il y aura bien sûr une différence quand même dans la langue arabe. Au niveau du sens, c'est la même chose. Sauf dans la langue arabe. Parce que le mot mathala, lorsque tu veux donner un exemple, le mot mathala, c'est-à-dire ça est pareil que ça, mathala, c'est le fait de dire que cette chose-là est comme cette chose-là dans toutes ses facettes. Hein, de tout bord, de toutes parts. Tandis que le mushabaha, la ressemblance, elle ressemble sur, pas sur tout, mais sur la majorité des points. Je dis, mathalan, ces deux-là se ressemblent. Mais c'est possible qu'il y en ait un qui est plus large. Mais pourtant, ils se ressemblent. Ah, tu ressembles fort à un frère. On a bien dit, tu ressembles fort. Mais tu ne ressembles pas 100% à un frère. Donc, c'est pas une mumathala. C'est un tajbé. Ça reste un tajbé. Il y a une différence entre mumathala. Le mumathala, c'est le fait de ressembler à quelque chose, mais sur toute part. Donc, à 100% par exemple. Et l'autre à une grosse partie, là, sur la majorité des points. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit bien, que Laysa kamithlihi shay, et ça c'est une règle aussi, que rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble, rien du tout ne lui ressemble. Et aussi il dit, La tadribu lillah al-amthal, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire cela, ne donnez pas donc de paraboles sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne donnez pas Allah de parabole, pas d'exemple. Donc c'est pas la peine de dire qu'Allah ressemble à ceci. Il est interdit. Allah nous les a interdits, non seulement. Il nous dit premièrement que rien ne lui ressemble, et deuxièmement, il dit ne cherchez pas à le faire. Ne le faites pas parce que c'est interdit. La tadribu lillah al-amthal. Donc ne donnez pas à Allah d'exemple. Et qui sont tombés, donc parmi, il y a des gens qui sont tombés dans le piège du temsil et du tekif, dans cette bila, on les appelle al-mushabbiha. Al-mushabbiha, ceux qui font, justement, ceux qui veulent faire ressembler Allah à ces créatures. Donc ils ont bien sûr exagéré. C'est du roulou, c'est de l'exagération. Et le roulou, c'est un des points les plus importants, ou c'est un des points les plus répandus parmi les points que l'on retrouve dans toute secte. Toujours une secte aura un roulou, on aura une exagération dans quelque chose. Le fait d'exagérer dans n'importe quel sujet, n'importe quel point. On va toujours retrouver le roulou dans, en général, dans justement dans la déviance des sectes, dans la déviance des sectes. Donc ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où ils sont arrivés à donner à Allah subhanahu wa ta'ala, à dire que qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ceci, ressemble à cela. Donc ils ont exagéré. Ils ne se sont pas arrêtés au fait d'affirmer. Ils sont affirmés, mais en voulant même aller plus loin et dire que ça ressemble à ça. Comme s'ils savaient, comme s'ils avaient reçu une science de ce comment. Comme s'ils avaient reçu une science de ce comment. Et parmi eux, donc c'est des sectes, parmi eux, une secte qui est donc Batiniya, Rafidiya Kadalik, donc parmi les sectes Shia, El Karamiya, hein, ceux qu'ils ont suivis, un qui s'appelle Mohammed Ibn Karam Sijistani. Sijistani. Donc on entend ici les noms des gens de l'Est, les gens de l'Est, hein, ce qui était derrière l'Iran. Parce que presque toutes les sectes, elles sont venues de ce bord-là. Presque toutes les sectes dont les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est venu justement de la Perse et ce qui vient après. Donc ce qu'on a comme Bukhara, tout ça, comme là où il y a eu justement les mêmes Bukhari et les autres. Donc dans ces régions-là, ces contrées-là, vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, énormément. Hein, ce qui est énormément de cette région. Ils sont venus presque tous, ils sont venus de là-bas, de façon générale. Rien que cette secte-là, donc déjà le Karamiya, ils sont donc divisés en 12 groupes. 12 groupes. Et ils ont 6 bases. Ils ont divisé les 12 groupes et ils sont en 6 bases. Ils ont 6 bases. Donc, et ça veut dire 12 groupes qui sont à l'origine, qui viennent à l'origine de 6 groupes différents. Donc 6 groupes. Et qui sont encore divisés. Donc il y a l'Abidia, l'Nounia, l'Zarinia, l'Ishaqia, l'Wahdania, l'Hissamia. Donc déjà, c'est tous des noms de chez eux. Et après, il y a ce qu'on a vu, ce nom-là, on l'a vu auparavant, l'Hishamia, Rafidia, l'Imamia. Donc l'Hishamia, Rafidia, l'Imamia, donc ceux qui reconnaissent les Rafid, ceux qui reconnaissent les 12 imams. Ceux qui reconnaissent, c'est-à-dire les imams de chez eux, leurs 12 imams. Et ce sont donc Hisham ibn Hakam Rafidi. C'est lui qui a ramené ses attributs. Donc c'est lui qui a bien sûr qui a ramené justement donc ces paroles-là par rapport au Tajbih. Par rapport au Tajbih. Donc ce sont parmi les premiers qui ont propagé justement le Tajbih. C'est parmi les premiers qui ont propagé, donc ce sont les anciens déjà, et c'est parmi les premiers qui ont propagé aussi cela. Mais Rafidia de cette époque, à cette époque-là, ils sont plutôt comme Al-Mu'tazila. Ils ressemblent plus à Al-Mu'tazila, le fait de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous comme ils le sont, et en reconnaissant les noms, en disant que ce ne sont que des noms. Ils ont été quelque part obligés de dire que les noms existent bien parce qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Mais ils n'ont pas de ma'na, ils n'ont pas de sens. Ce sont des noms. On peut rien faire. Ça, ils n'ont pas pu renier parce que c'est écrit dans les textes. Mais ça n'a pas de sens. Mais pour eux, ça n'a pas de sens. C'est que des noms, tout simplement. Voilà. Allah a voulu les mentionner, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucun sens. Il n'y aura aucun acte qui va, bien sûr, automatiquement découler de ce sens. Et parmi eux, bien sûr, Zaydia parmi les chiites. Parmi eux, Zaydia parmi les chiites. Et tout Mu'attil est un Mu'attil. Et tout mu'assil est aussi un mu'attil. Donc mu'attil, c'est le fait de dénuer, c'est le fait de retirer totalement. Donc le fait de renier en vérité les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sera automatiquement un mu'assil. Il va bien sûr en ce moment-là donner des exemples. Et tout mu'assil est un mu'attil. C'est-à-dire justement, pourquoi on les associe, pourquoi on les a alliés, c'est que le temsil des mu'attila, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas compris dans le domaine des noms et attributs d'Allah que ce que que ce qui sied à la créature. Ils ont automatiquement une base de départ. La base de départ, c'est la créature. S'ils avaient enlevé justement cette base qui est fausse de départ, ils n'auraient pas eu ce problème. Donc, ils ont pris automatiquement un exemple. Et ça, c'est du ta'til. C'est que tu as enlevé Allah, parce que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus complets, les plus parfaits, et ne sied qu'à lui, même si l'homme a les mêmes noms, ou les mêmes attributs, mais ils sont différents. Le lien qu'il y a entre les noms et attributs d'Allah et les noms et attributs de certaines personnes ou de ces créatures, c'est que le nom, c'est que ça le lien. Allah entend, nous on entend. La clé, c'est différent. On sait bien que Allah a les noms et un les plus parfaits. Et aussi les attributs les plus hauts. Les noms les plus parfaits, les attributs les plus hauts. Et ça, c'est pas pour l'homme. C'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pour l'humain. C'est pas pour la créature. Donc ces gens-là, bien sûr, le fait qu'ils ont pris une base de départ qui est fausse en donnant un ressemblant à Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme, donc justement, ils se sont trompés dans cette erreur. Et aussi, donc ils ont compris de cela que, bien sûr, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les noms et attributs des personnes. Et pourquoi et le ta'til de cela, donc le fait qu'ils renient, donc ils ont renié ce qui sied et ce qui est si obligatoirement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans les noms et les attributs. Donc Mushabbiha, ils ont rejoint entre ta'til, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les Rawafid, ils ont rejoint entre ta'til et entre tajbih. Donc il y a du ta'til et du tajbih. À partir du moment que tu n'a pas respecté l'ordre, à partir du moment où tu n'as pas respecté ce qui t'est demandé, tu as commis un tartil. Tout ce qu'on voit, c'est du tartil. Mais il y a le tartil qui sera juz'i, donc qui sera en partie, ou bien le tartil qui sera kulli, qui sera global, qui sera général. Et par exemple, on le voit maintenant dans l'istiwa. On retrouve énormément dans l'istiwa. N'importe quelle secte, maintenant lorsque vous voyez l'ahbash perdre leur temps et même voir s'exciter contre le Sunna wal Jama'a, parce que maintenant ils vont refuser spécialement l'istiwa. Parmi ce qu'ils refusent, l'istiwa. Le fait que justement, ils n'acceptent pas, car Allah subhanahu wa ta'ala descend en premier, qu'il s'est établi sur son trône. Il ferait mieux de lire le livre de l'imam al-Zahabi, comme ça ils en profiteraient. Comme ça peut-être ils en profiteraient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, le miséricordieux, qui s'est établi sur son trône. Il est établi sur son trône. Et on a bien vu qu'ils auraient bien voulu, hein, on l'a vu hier, ceux qui renient cela ont été voir les savants de la langue arabe afin de voir si on ne pouvait pas changer donc la grammaire. Ils voulaient justement changer donc la grammaire de l'arche. Est-ce qu'on peut le dire l'arshu au lieu de l'arshi. C'est-à-dire comme ça, si on disait l'arshu istawa, donc l'arshi devait être sujet. Donc le trône est établi, tout simplement. Mais que c'est pas Allah qui s'est établi. Ils voulaient renier. Ils auraient bien voulu trafiquer, on va dire, dans la langue arabe, s'ils auraient pu. Mais ils n'ont pas pu. Donc on voit que ces gens-là, ils ont un dogme. Et puis après, ils cherchent après les délits qui pourront les arranger. Ils ne font pas le contraire. Normalement, tu testadil, fuma ta'aqid. Ta'aqida, elle vient après les délits. C'est pas les délits qui viennent après ta'aqida. Et c'est pour ça qu'après, ils se perdent. C'est pour ça qu'ils se sont égarés. El mu'attila. Donc ils vont dire que si Allah était au-dessus de son trône, ça voudrait dire que ou il serait plus grand, ou égal, ou plus petit que le trône. Et ça, c'est pas possible. Parmi d'autres paroles, voilà, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Il y aura toujours quelque chose de plus grand. Donc ils ne veulent pas accepter. C'est-à-dire que s'il est établi sur son trône, donc il est ou plus grand, ou plus petit, ou égal. Donc ils veulent dire que le fait qu'il n'y a pas d'essence, le fait que c'est pas Allah, comme s'il n'était pas palpable, comme si c'était abstrait pour eux, donc il ne peut pas être, s'ils disent qu'il est plus grand ou égal ou plus petit, donc à ce moment-là, ils veulent dire qu'il sera donc une essence. Ça, il sera même restreint pour eux. Et c'est pour ça qu'ils disent aussi « Haiz ». Il est restreint. Le fait qu'ils disent qu'il est au-dessus, donc il n'est pas dans... Pourquoi ils disent qu'Allah est partout? C'est pour dire qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Allah. Parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il y a des endroits où Allah n'est pas. Hein, par son essence. Il ne veut pas accepter, c'est-à-dire qu'on la restreint. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous annonce cela. Et où le problème? Ils ont voulu soi-disant grandir Allah, soi-disant le glorifier, mais en tombant dans des pièges qui sont pires, dans des choses qui sont pires, en disant qu'Allah est partout, alors que le partout, c'est pas, akramakum Allah, les trous de narines, c'est pas les toilettes, c'est pas les soucis, parce qu'ils disent qu'Allah il est là, il est dans les toilettes, il est dans, hein, dans toutes les saletés qui existent sur la terre. Tous les endroits haram, il est dans le vin, il est dans le porc, il est dans tout ce que le chien, il est là, on peut encore énumérer énormément d'endroits qui ne s'y est pas, des endroits que n'importe quelle personne ne voudrait pas y vivre. Alors comment Allah pourrait y être? Donc vous voyez que l'erreur chez eux, elle est grave. Ils veulent, soi-disant, commettre un bien, mais en vérité, ils tombent dans un mal qui est bien plus grand. Et ils n'ont compris, bien sûr, que, donc de soi, que, si, comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait un corps. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter qu'Allah ait un... Bon, parce qu'ils vont dire qu'Allah a un corps, ils disent. C'est pour ça qu'ils disent que nous, on est de quoi, hein, des morphologistes, c'est ça? Des morphologistes ou bien des anthropomorphistes, ou bien, comme ils disent, corporalistes, et la khiri, tous les noms qu'ils ont envie de dire. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a une essence. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a une essence. Et lorsqu'on dit ça, et que ces gens-là, s'ils nous écoutent, donc on sera justement le hujja contre eux. On va être une preuve de notre parole contre eux, parce qu'ils ne recherchent pas comme il le faut. Ils ne recherchent pas comme il le faut. Ils usent de la raison. Ils n'utilisent pas les textes du Coran national. Ils usent de la raison. Délaissez la raison et vous allez voir que vous allez revenir qu'au Coran national. Ils ne pourront pas sortir de ces paroles-là, les paroles des plus prédécesseurs. Ils ne pourront pas sortir que le fait de dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, est établi sur son trône. Mais ils ne veulent pas cela. Donc, automatiquement, ces gens-là tombent justement dans cette erreur. Et il est obligatoire de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va dire reconnaître et affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône, mais de la façon qui lui sied à lui subhanahu wa ta'ala. Et que c'est khas pour lui, que c'est bien spécifique pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est pas parce que Allah s'est établi sur son trône qu'il faut donner automatiquement, faut supposer automatiquement des choses, que ça veut dire qu'il sera comme ça, que ça veut dire que c'est comme ça, que ça veut dire que c'est comme ça. Et ça, ça rentre dans, qu'est-ce qu'on a dit auparavant, elle roulou, l'exagération. Elle istilzaim, on appelle ça. C'est-à-dire le fait de dire que si, mathalan, j'en ai un exemple, un autre exemple, si je serre la main à un tel, et qu'on verrait un tel, il a serré la main à, mathalan, à une personne qui est mauvaise, et cette personne qui est mauvaise a serré la main aux femmes, que ça veut dire que celui qui a serré la main à lui, ça veut dire que lui, il a serré la main aux femmes. Oui, c'est ça un peu le style zen. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que si toi, tu as serré la main à lui, alors que sache que lui a serré la main à l'autre, et que l'autre a serré la main aux femmes, et que les femmes, elles ont. Toi, donc, ils rentrent dans des cheminements qui sont faux, et que tu ne peux pas, toi, donner des cheminements qui n'ont rien à voir avec le sujet. J'ai serré la main à un tel, et un tel a serré la main à l'autre, et que l'autre a serré la main à l'autre. Moi, j'ai rien à voir avec le dernier. J'ai rien à voir avec cette chaîne-là. Vous voyez, ben, ça, c'est un exemple. Je n'ai rien à voir avec cette chaîne-là. Donc tu ne peux pas venir mettre un hukm dans quelque chose qui n'existe pas à l'origine. Donc ça, c'est un istilzam. Si je ne dis pas que celui-là, mathalan, est comme ça, c'est-à-dire que je pense... On peut rentrer exactement dans énormément de paroles par rapport à cela. Donc ça, j'ai donné un exemple parmi... On pourrait en donner énormément des exemples. On appelle ça l'istilzam. Le khawarij, je l'utilise beaucoup. Le khawarij, je l'utilise beaucoup, mathalan, lorsqu'ils disent que si tu kafères pas le kafir, en parlant du gouvernement, donc tu es un kafir. Donc automatiquement, alors que tu es avec eux et c'était pas avec eux, donc tu es avec eux, c'était avec eux, bah, tu te retrouves avec les pires ennemis d'islam parce que soi-disant, parce que tu n'as pas terminé. Donc ils ont des cheminements qui n'ont rien à voir avec toi à l'origine. Quand tu remarques bien que ce qu'ils disent et ta vie à toi, tu vois qu'en vérité, il n'y a pas de lien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent et ce que tu vis. Tu vois totalement que tu, voire même ça t'effleurait même pas à l'idée de ce qu'ils sont en train de penser. Tu pensais même pas à ça. Donc tu n'as rien à voir avec ça. Alors comment tu peux, donc c'est ça l'istizam, c'est le fait de ramener des choses qui sont fausses à des gens par des faux cheminements, par des fausses liaisons, qui à l'origine n'existent pas, qui à l'origine n'ont pas à avoir lieu. Et ça c'est la même chose pour ici. Donc les gens du Tartil ont fait quatre grandes erreurs. Donc ils sont tombés dans quatre grandes erreurs. Parmi les erreurs, c'est ce qu'ils ont bien sûr donc... Ils ont donné des exemples hein, dans ce qu'ils ont compris des textes. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr, donc, d'après leur compréhension des textes, ils ont voulu, donc ils ont ressemblé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses serviteurs. Donc ils ont cru que le texte en lui-même veut dire al-mumathala, veut dire justement al-mumathala, temthil. Et aussi, deuxième grand point, c'est qu'ils ont renié donc les textes, ils ont renié attalou plutôt, donc ils ont enlevé, ils ont dénué, ou bien ils ont enlevé les vrais sens, ils ont donc retiré les vrais sens des textes, de ce qu'elles veulent dire, donc le vouloir dire, quel est le but de ce texte, quel est le vouloir dire, ou l'explication réelle de ces textes, qui, bien sûr, qui mentionne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils ont retiré le vrai sens. Donc ils veulent dire que lorsqu'Allah a une main, ça ne veut pas dire une main. Donc ils vont dire, mais ça veut dire hein. Parce qu'on a, comme on l'a vu hier, Niyama, il a khéli. Troisième point, c'est qu'il renie aussi ses attributs. Donc il renie ses attributs, automatiquement, ils sont tombés dans le piège du tartil. Ils sont mu'attilines de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, bien sûr, mérite. De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, mérite dans le domaine des attributs les plus complètes, les plus hautes. Donc il y a un tartil, il y a aussi. Donc ils sont devenus, par ce tartil, mu'attilines. Quatrièmement, ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala donc des exemples et des attributs qui sont en vérité contraires, naqid, qui vont être en contradiction avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme les attributs des morts, et de tous, ou bien des morts, ou bien de ce qui n'a pas de vie, al-jamadat, enfin les montagnes, ou bien les pierres et l'akhiri, ou bien al-mardoumat, ce qui n'existe pas. Ça, tartil. Tartil, c'est le fait de retirer. Lorsque tu retires, donc ça devient un néant. C'est ça le ma'doum. Lorsque ces gens-là ne veulent pas, certains d'entre eux, lorsqu'ils disent qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, hein, ni devant, ni derrière, nulle part, si tu dis à quelqu'un, explique-moi qu'est-ce que le néant, il n'y a pas meilleure façon d'expliquer que le néant. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Donc c'est un vide total. Ni devant, ni derrière, ni au milieu, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Vous voyez ? Donc ils ont adoré quoi ? Un mardoum, un néant. Ils ont adoré personne. En vérité, donc ils sont sortis de l'adoration parce qu'ils ont adoré le mardoum. Lorsqu'on les voit expliquer qui est Allah, on voit qu'à ce moment-là, leur définition d'Allah, c'est rien. C'est rien du tout, tout simplement. Tartil al-Mumathil, donc celui qui a donné des exemples. Donc, pourtant, il donne des exemples, mais on l'appelle quand même Mu'attil, parce qu'il a renié des choses. Donc, on va retrouver trois points dans ces exemples. Il a renié, déjà, premièrement, il a renié le vrai texte, le vrai sens du texte, qui affirme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où il a, bien sûr, donc détourné le sens de son. Donc, ils ont détourné le texte de son vrai sens. Il a détourné le texte de son vouloir dire, de son vrai sens. Car ce texte a voulu dire quoi ? A voulu justement prouver et affirmer les attributs ou les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui sied, sans donner d'exemple à quoi que ce soit. Hein, sans donner de mumathala ou bête de teshbih. De mumathala. Deuxième point, c'est que si il venait à donner un exemple entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, c'est qu'à ce moment-là, il aura bien sûr, il aura renié des points. Si ce n'est pas en totalité, ça sera au moins en partie, il aura renié ce qui sied obligatoirement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas respecté ce qu'il fallait. Donc, parce qu'il a justement ressemblé, il en a fait une ressemblance qui est même complète à ses serviteurs. Alors qu'il a ressemblé à Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, Allah est complet, le serviteur n'est pas complet. Donc si tu veux faire ressembler un complet à un incomplet, automatiquement tu es obligé de retirer quelque chose du complet pour arriver au niveau de l'incomplet. Parce que c'est complet à l'origine. Donc comment tu fais pour arriver du complet à l'incomplet, c'est parce que tu as retiré des choses. Donc tu as fait un tartil, tu as dénué, tu as retiré ces choses-là. Et troisièmement, lorsque la personne donne un exemple à Allah subhanahu wa ta'ala envers, donc fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala ses serviteurs, il a aussi bien sûr renié le texte où Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa samiu al-basir. Donc rien ne lui ressemble, rien n'est égal à lui. Ou bien aussi wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il a renié ces versets. Donc il a fait un ta'til même dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, c'est quoi leur défense ? Donc lorsque tu leur dis, pourquoi tu dis ça ? Donc ils te diront, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle que hein, par ce qu'on pourra comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc parlé, nous exhorte, que par des mots et des phrases, et n'accrédit par des textes qui vont être compris par nous. Donc s'il dit qu'il est établi sur son trône, donc nous on comprend qu'il ressemble à sa créature, parce que c'est comme si l'homme était assis sur son lit. L'homme est assis sur un divan, sur un sofa, sur un lit, comme tu veux. Donc il donne, c'est pour ça qu'ils feront justement ce temsil. Donc voilà. Donc nous, on connaît l'istiwa que par cette façon-là. On a été obligé de, pour pouvoir comprendre l'istiwa, on a été obligé de donner un exemple vivant. Un exemple vivant. Donc parmi les humains, il s'assit sur son lit, il est allongé sur son lit, sur un divan, sur un sofa. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont, bien sûr, c'est comme ça qu'ils ont compris l'istiwa chez eux. Non. Comme c'est parce qu'ils ont dit que l'istiwa, c'est une khasaïs al-makhloukin. C'est parmi les choses spécifiques des créatures. Donc, ils ont bien sûr, ils ont fait du roule, ils ont exagéré. Comme le mu'attila, ceux qui renient l'istiwa, qu'ils ont bien sûr aussi. Donc, de la même façon que les autres qui ont renié aussi l'istiwa. Et, en vérité, bien sûr, il faut savoir que la vraie parole, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône, comme il sied à celui-là. Mais on ne sait pas comment. Comme aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit qu'il était savant. C'est un sens qu'on ne le connaît pas. Ça, c'est un sens englobe toute chose, qu'on ne sait pas le comment, on ne connaît pas. Donc, on doit prendre ça de la même façon. Et qu'il est capable de toute chose, c'est toujours de la même façon. Et qu'il entend, et qu'il voit l'akhiri, on garde le même principe, les mêmes règles pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est attribué. Donc il est doté de noms et attributs, mais cela on les reconnaît, on les affirme, sans bien sûr savoir le comment, sans reconnaître le comment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et de la même chose. Donc l'istiwa, c'est comme le reste, c'est comme le reste des attributs, on ne sait pas comment. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a guidé les gens de la sunnah du consensus en donnant exactement la parole qui est juste, en disant que on va affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même ou ce qu'il s'est attribué pour lui-même et ce que l'a attribué aussi son envoyé sallallahu alayhi wa sallam sans changer, tahrif on l'a vu hier, hein, qui voulait dire ça peut être le remplacement, ça peut être terriz, ça peut être le remplacement ou bien le changement. Et sans tartil, qu'on a vu tout à l'heure, sans aussi temsil et sans takif. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et lorsqu'on reconnaît les noms et attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'on donne des semblants. Ça ne veut pas dire qu'on va donner des semblants aux êtres humains. C'est les mêmes noms. C'est que les mêmes noms. Les noms n'ont pas automatiquement, je veux dire c'est le même nom, mais ça n'a pas automatiquement un lien dans le haqaïq, dans la réalité. C'est pas obligé que ce soit donc la même chose dans la réalité. On peut redonner, si on donne un exemple, la poignée chez les Arabes, lorsqu'on parle du pied, lorsqu'on parle de la main, donc une poignée de porte, c'est une main en arabe. On dit l'yed, la poignée, c'est une main. Pourtant, ce n'est pas la main hein, d'un tel. Un jeune de 10 ans, ce n'est pas la main d'une personne de 70 ans. Donc celui d'un homme de couleur noire ou quoi, ce n'est pas la main de quelqu'un de très blanc. Donc là, il y a des différences déjà chez les humains. Pourtant, c'est des humains, c'est la même chose, c'est des hommes maintenant. Donc la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est spécifique à lui, subhanahu wa ta'ala. Elle est spécifique à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on va reconnaître et affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté de noms et d'attributs. On ne dit pas qu'elle ressemble à celle des serviteurs. On ne va pas renier. On ne va pas non plus, c'est-à-dire changer le sens. On ne va pas donner d'exemple et on ne va pas non plus ignorer. Hein? On ne va pas ignorer. Il y a des gens qui disent « Al-Tajhil, moi je renie, j'ignore ». Je ne dis pas que ma fin, si c'était par exemple, ça c'est par exemple, comme dans l'exemple du Coran, le Coran, la parole d'Allah, créé ou pas créé. Je ne dis pas qu'il est créé, je ne dis pas qu'il n'est pas créé. Atajahel, ils disent. Ça c'est interdit aussi de dire je reste ignorant. Comme ça je ne rentre pas dans, ni avec vous, ni avec vous, je reste ignorant dans le sujet. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit de dire Tajahel dans tout. Je ne dis pas que ce sont des noms, je ne dis pas que ce sont des attributs, je ne dis rien. C'est pas vrai. Donc on ne dit pas qu'il n'a pas de main, on ne dit pas qu'il n'a pas de visage, qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas de puissance et qu'il n'est pas établi sur son trône. On ne dit pas ça. Nous on dit au contraire ce qu'il a été, ce qu'il s'est affirmé. Et on ne le dit pas non plus parce que ça c'est pour montrer qu'on ne veut pas ressembler à ceux qui sont al-mu'attila. Mu'attila disent qu'il n'a pas de main, qu'il n'a pas de soucis. Nous, on ne dit pas comme eux. On ne le dit pas comme ceux qui sont Mushabbiha. Mu'attila, c'est-à-dire qu'ils ont tout renié. Mushabbiha, ils ont affirmé, mais avec une ressemblance. Donc, on ne va pas dire comme ceux qui affirment, mais en faisant ressembler. C'est-à-dire que ses mains sont comme les miennes, ou bien comme celles des créatures, et que ses visages sont comme celles des visages des créatures, que son ouïe, sa vue, sa vie et la khili sont comme celles des créatures et la khili. On ne dit pas ça. Mais on dit, il a une essence qui est véridique et qui n'est pas comme l'essence, c'est-à-dire des créatures. Lorsqu'on dit l'essence, on veut dire par là le corps des créatures. Et qu'il a des attributs véridiques, réels, et qui ne sont pas comme les noms et les attributs qui ne sont pas, bien sûr, comme celles des créatures. Donc on dit, subhanahu wa ta'ala, on dit bien, subhanahu wa ta'ala, que Allah a un visage, a des mains, il entend, il voit, il a créé. On reconnaît tout cela. Les bases à partir desquelles les bases ou les fondements à partir desquels les gens de la Sunna et du consensus se basent dans ce domaine. On retrouve trois bases, trois fondements importants dans ce domaine. Le premier fondement, c'est que l'on croit fermement à ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna authentique dans le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'affirmation, que ce soit dans le fait de renier. On va affirmer qu'Allah a des mains, on va renier qu'Allah a un enfant, ou bien on va renier aussi qu'Allah, donc la somnolence lui prend, ou bien qu'il dort, mathalan. Deuxième base, ou deuxième fondement, c'est qu'on va exempter Allah subhanahu wa ta'ala du fait de dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemblent en quoi que ce soit aux attributs de ses créatures. Troisième base importante, c'est qu'il faut dès le départ enlever le désir de te dire que tu vas réussir à arriver à savoir comment sont dotés les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès le départ, tu ne penses même pas à ça. Ne sais même pas, c'est un chemin qui est bien sûr dès le départ, donc c'est une voie qui sera sans issue. Donc ces trois bases sont celles des gens de la Sunna. Sont celles des gens justement de les gens de la Sunna et du consensus. Contrairement bien sûr aux gens, aux philosophes et aux Ahlul Kalam qu'on a vu auparavant, les philosophes et Ahlul Kalam. Et aussi, lorsqu'on fait cela, on se protège aussi du dogme des gens du Tamthil, ceux qui donnent des ressemblants, comme le Karamia, le Hishamia et d'autres. Donc cette première base va nous différencier avec eux, dans le sens où justement, c'est quoi la différence? C'est que les gens de la Sunna vont se différencier déjà par rapport à la première base, le fait qu'ils reviennent au Coran et à la Sunna, qu'ils acceptent, qu'ils affirment. Donc si on affirme, on sera innocent de qui? On va être innocent des Mu'attila, de ce qui renie. Le fait que nous on accepte, on affirme, on reconnaît, on croit. Mais Al-Mu'attila renie, donc rejette. Al-Mu'attila, ils vont rejeter ces textes. Donc il n'y aura pas d'affirmation, ça serait le contraire. Donc à ce moment-là, nous on va se détacher d'eux. On va se détacher d'eux dans ce domaine-là. Et on place comme base et comme fondement le fait d'accepter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on va renier ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est renié pour lui-même, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dépasse pas ni le Coran ni la Sunna. On ne dépasse pas le Coran et la Sunna authentique. Car on est obligé de revenir à cela pour cela, pour ce domaine-là. On est obligé de revenir à cela dans ce texte, dans ce domaine. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas, si quelqu'un venait à inventer un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas mentionné dans le Coran et la Sunna, on ne peut pas l'affirmer. Même si apparemment ça serait beau. Même si apparemment on croirait que ça pourrait être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment que ce n'est pas mentionné, on ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas mentionné. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas renié pour lui-même, on n'accepte pas non plus. Donc on va accepter ce qu'Allah s'est renié pour lui-même parce que c'est mentionné. Ou si le contraire a été lui est prouvé. Lorsqu'on dit qu'Allah est plus grand, donc ce que quelqu'un venait de dire qu'Allah est plus petit, le fait qu'il a dit qu'il est plus grand, donc on a le contraire qui prouve le contraire. Donc on peut rejeter ça parce que, justement, on peut le rejeter. On va le rejeter parce que, justement, on a des contraires. Donc on ne peut pas venir. C'est-à-dire lorsqu'Allah dit qu'il est juste, donc on sait qu'on peut rejeter le fait qu'il est injuste. On sait qu'on peut rejeter le fait, son contraire, le fait qu'il est injuste. Mais on ne vient pas inventer des choses que ni elles sont mentionnées dans le Coran, la Sunna, ou ni son contraire vient le prouver. Ou ni son contraire vient justement le prouver. On ne vient pas faire cela. Donc de façon générale, on peut dire que cette chose-là donc, est basée sur trois points ou sur trois chapitres. Donc c'est bien sûr, lorsqu'on parle de par rapport à cela, c'est qu'on peut dire que dans le nom, dans le chapitre des noms, hein, mais pas des attributs, chapitre des noms, donc c'est que il faut revenir bien sûr au Coran et à la Sunna tout simplement. Et dans le chapitre des attributs, c'est la même chose, on revient aussi au Coran et à la Sunna tout simplement. Et après, ce qu'on appelle l'akhbar. Donc en ce moment-là, il faut un nos shara'i. Il faut un texte, bien sûr, qui sera shara'i. C'est-à-dire qu'il faut, donc, comment dire, que, maintenant, l'akhbar, comme les textes qui ont été écrits chez les savants, en ce moment-là, il faut, bien sûr, que ce texte soit en concordance avec, comme l'a été expliqué maintenant dans les livres de Shir Islam Utemiya ou bien d'autres, lorsqu'ils parlent de ça, qui écrivent, en ce moment, il est permis d'écrire, pour ressortir la compréhension de ce que veut dire, sinon il y a tribu, mais en toute vérité. En ce moment-là, c'est permis. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il faut que les noms, c'est-à-dire ce qui va être utilisé comme nom, soit bien, mot comme mot, soit justement des bons mots. Ce soit des mots qui veulent dire exactement ce que Allah a voulu dire ou dans le Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle l'akhbar. Parce que des fois, les savants écrivent dans la Aqida, dans le domaine du Tawhid, donc des textes. Donc ils vont mettre des délais, ils vont faire des explications. Donc ce charh doit être en concordance, c'est ça que ça veut dire, l'akhbar quoi. En concordance avec justement le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qui a amené les gens du Ta'til à œuvrer comme cela? Qu'est-ce qui les a amenés à œuvrer comme cela? Qu'est-ce qui les a amenés à œuvrer comme cela? Ils ont œuvré comme cela parce que ils ont utilisé à raison comme base de retour ou base de données. C'est une base de données pour eux. Donc c'est pas le Coran et la Sunna. Ils ne reviennent pas au Coran et la Sunna. Ils reviennent au Aql. Parce qu'ils disent qu'en vérité, le Aql, c'est parfait. Pour eux, le Aql, c'est justement, donc la raison, c'est ce qu'il y a le plus parfait. Et que le Coran et la Sunna, c'est lui qui doit passer par le Aql. Et si le Aql accepte, à ce moment-là, c'est bon. S'il le refuse, à ce moment-là, c'est pas bon. Donc ils ont pris comme base de données réel, l'acte, le raisonnement. Donc ça, c'est l'origine de leur science. Hein? Car ils disent que dans toute chose, on revêt sur l'acte. Si on veut aller faire ça, même dans les choses moubah, donc ils ont bien sûr, ils ont mélangé. Tu veux utiliser ta raison dans les choses qui sont licites, en ce moment-là, qui sont moubah, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu vois une voiture qui passe, ta raison, elle te dit de ne pas passer pour ne pas se faire écraser, en ce moment-là, tu as utilisé de ta raison de la bonne façon. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas elle qui va décider dans ton adoration. Encore moins dans les akhbar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est elle qui va affirmer, c'est elle qui va rejeter. Et voilà. Et donc, comme on l'a dit auparavant, le Coran et la Sunna doivent se conformer à ce haq. Et ça, c'est faux, bien sûr. Et ça, c'est faux. Donc si le haq l'accepte, c'est bon pour eux, donc c'est-à-dire que c'est vrai. Et si le haq le rejette, il le refuse. Donc il refuse, que ce soit un texte du Coran, que ce soit un texte de la Sunna. Ils disent, voilà ce qu'ils disent donc, parmi leurs paroles, donc c'est les paroles qu'ils disent. Ils disent, toute chose doit être confrontée donc à la raison. Et si la raison l'accepte, il est obligé de dire que cela est véridique. Les textes, il est obligatoire de l'accepter et de dire que cela est et véridique. Et si le haq, la raison, vient à juger que cette chose-là n'est pas possible, est impossible, mustahil, donc est impossible, en ce moment-là, on doit changer le texte, on doit altérer le texte. Il y aurait un ta'wil. On va dire que cela ne veut pas dire cela. Ou bien ils rejettent, en ce moment-là c'est ta'til, ou bien ils vont faire un ta'wil. Parce que là, on parle, quand on parle de mu'atila, on parle des cinq groupes, hein, on parle de tout le monde en même temps. Ils vont bien sûr faire un ta'wil. Donc ils vont dire, maintenant, istawa, istawa, par exemple, c'est istawa là, ça ne veut pas dire istawa, ça ne veut pas dire le fait qu'Allah s'est établi sur son trône. Ils vont changer. Lorsqu'ils parlent du nuzul, lorsqu'Allah descend au premier ciel, ils ne vont pas dire que c'est Allah, mais c'est son ordre, ou bien c'est les anges, il a khili. Ils vont dire que c'est les anges. Mais si c'était les anges, alors il n'aurait pas dit Meya Druni. Il n'aurait pas dit ça. Alors ce matin, il n'aurait pas dit qui m'invoque et je lui donne. Non, je ne peux pas dire qui m'invoque. C'est pas possible. C'est Allah qui peut dire qui m'invoque, mais pas une de ses créatures. En ce moment-là, ça rentrait dans le shirk d'invoquer un ange. Ils disent que c'est l'ange qui descend. Donc ils nous demandent. Non seulement ils se trompent, mais en plus ils envoient aux gens. Ils envoient quoi? Les gens à faire du shirk. Meya Druni. Si c'est un ange qui disait Meya Druni, donc ça serait du shirk, que d'invoquer un ange. Plutôt que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Donc ils font un ta'wil. Vous voyez comment que. Donc, pour, ça, c'est des bases chez eux. Ils font un ta'wil. C'est des bases. Car ils n'acceptent pas. Ils disent que cela est totalement contraire à la raison. Parce que si Allah descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, il y a toujours un dernier tiers quelque part. Donc on ne comprend pas. Alors que, est-ce qu'Allah délaisse son trône? Il y a toujours un dernier tiers, alors il descend là et après il descend qu'il est tout en bas, alors on ne comprend pas. Ça ne te regarde pas à ce moment-là, ce n'est pas de ton domaine, parce que tu ne pourras pas comprendre. Tu n'es pas amené à comprendre. Et comme tu as encore une fois utilisé des éléments que tu connais, des éléments de ta vie ici-bas, que si tu es là-bas, tu ne peux pas être là-bas. Non. Si tu es là-bas, tu ne peux pas être là-bas, parce que tu as voulu justement donner à ressembler à Allah envers ses créatures. C'est pour ça que tu te perds. C'est pour ça qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont utilisé encore des bases de données qui sont fausses. Il ne reste plus grand chose, on va terminer, Inch'Allah. Alors qu'on n'a pas encore terminé, mais ma'alish. Donc aussi, comme on l'a dit, donc les bases, donc je vais être plus général, je vais être plus rapide plutôt, en disant que bien sûr, donc le haq, c'est toujours la base à partir de laquelle que tout ce qui est écrit, tout ce qui est entendu doit revenir au haq. Donc si le haq l'accepte, c'est accepté, si le haq le rejette, il est rejeté. Et ce qu'on retrouve dans leur livre, c'est ce qu'on retrouve décrit. Ça, c'est écrit dans, donc justement, leur livre. Donc ils disent ça. Lorsqu'ils parlent de, c'est-à-dire le abwab al-aqida, donc fil ilahiyat, nubuwat wa sam'iyat. Lorsqu'on parle par rapport au, donc là on l'avait dit, hein, lorsqu'on parle de l'ilahiyat, c'est donc les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hata rububiyya, et nabawiyat, nubuwat, c'est l'uluhiyya. C'est l'uluhiyya. Donc en ce moment-là, ils disent ça, ils ne reconnaissent. Donc lorsqu'ils parlent de l'ilahiyat wa nubuwat, donc ils ne reconnaissent pas quoi? Les textes du Coran et de la Sunna. Ils ne reconnaissent pas les textes du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire sur ce qui est Allah, sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que, ils ne reconnaissent pas cela. Et c'est pour cela qu'ils utilisent justement le haqq par rapport à cela. Ils utilisent le haqq en utilisant aussi la rhétorique, donc la parole. En utilisant la rhétorique, donc la parole. Et ce qu'on appelle le sam'iyat. Donc lorsqu'on parle de Samaït, on parle de tout ce qui est entendu et qu'on ne connaît pas, donc comme le paradis, l'enfer, le jour dernier, il a khili, donc tout ça. Donc à ce moment-là, ils acceptent, donc pourtant pas tout, mais ils acceptent quand même les textes sharia, mais simplement, contrairement aux autres, ils vont accepter les textes sharia, ils reconnaissent qu'il y a un paradis, ils reconnaissent qu'il y a un enfer, il a khili, ils reconnaissent que le châtiment existe. Même si pourtant, en vérité, ils reconnaissent qu'il existe, ils reconnaissent en tant que texte qu'on doit utiliser, mais toujours, même chose. Ils restent quand même dans le sens où ils vont le soumettre au Coran et à la Sunna, contrairement aux autres. Contrairement aux autres, c'est des noms qui sont totalement dénués de sens. Ce sont dénués de sens. Donc c'est même pas un nom qui va être soumis à mon raisonnement. Là, c'est un nom qui est là, qui est écrit. Allah, il l'a dit, c'est écrit, ça s'arrête en lui. Il y a juste un peu comme si c'était la baraka de le lire, tout simplement. Tu lis le Coran, c'est que la baraka de le lire. C'est qu'une lecture. Mais ça n'a pas de sens. Surtout pas dans lorsqu'Allah parle de lui-même. Et là, dans Sam'iyyat, donc dans ce qui est Jannah et Nar, ils acceptent. On verra qu'ils n'acceptent pas tout. On le voit bien. Ils acceptent, il y a beaucoup de choses qu'ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas, mafan, El Mizan. On va retrouver beaucoup d'entre eux comme le Mu'tazila qui vont refuser le Mizan. Ils vont refuser le Hisab. Ils vont refuser pas mal de choses. Ils vont refuser que la personne, si elle entre en enfer, elle va un jour. Mais si elle est croise, elle peut ressortir au paradis. Donc ils ont des choses. Si on prenait par exemple l'exemple de Mu'tazila, qui sont proches de Khawarij en vérité, lorsqu'ils disent que la personne qui fait des péchés, elle n'est pas un kafir fi dunya, mais elle est. Donc, dans une étape entre deux étapes. Mais elle est quand même en enfer. Donc, comme le Khawarij qui dit cela. Donc, ils vont renier, tous ces gens-là, ils vont renier en vérité. Donc, le Hisab, par exemple. Le fait qu'il n'y a pas de. C'est ou paradis ou enfer. Donc, il n'y a pas de compte. C'est rapide. Il n'y a pas besoin de faire le mizan. Il n'y aura pas de shafa. Il n'y aura pas d'intercession. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Donc, ils n'ont pas tous ces détails-là. Eux, c'est directement comme ça. Et bien sûr, c'est grave, parce qu'ils ont ressemblé à qui ? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc parle sur les Yahoud, afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Donc on voit bien que, est-ce que vous croyez à certains points du livre, alors que vous reniez d'autres points ? Ils prennent du Coran ce qu'ils veulent, et ils renient du Coran ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils utilisent plusieurs modes de pensée différentes, plusieurs façons de faire différentes, alors que c'est un seul livre. Et d'où leur provient cela? Est-ce que, avant de lire le Coran, il y a un lexique, quelque chose qui dit ça, tu dois le prendre comme ça, ça, tu dois le prendre comme ça, là, ils l'ont inventé le même. Ça, bon, on va faire comme ça. Dans tel domaine, on va faire comme ça. Dans d'autres domaines, on va faire comme ça. Pourquoi? Ils se sont compliqués la tâche. Et c'est ce qui les a égarés. C'est ce qui les a, égarés. Et Allah, il dit aussi par la suite, il donne la récompense de ceux qui vont faire ça. Quel est le résultat de ces gens-là? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون عفوا بغافل عما تعملون. Donc il dit bien la récompense de ceux qui ont commis cela, qui ont donc fait cela, ne sera que donc le خزي en français, خزي l'avilissement, ça va dans l'avilissement dans la vie d'ici-bas, et le jour dernier ils seront retournés à un châtiment douloureux, et Allah n'est pas distrait de ce que vous faites. Et Allah n'est pas distrait de ce que vous faites. Donc là on voit bien que voilà le résultat, le châtiment de ceux qui ont fait ça. Donc là c'est les points les plus importants, parce que c'est dans l'unicité. Donc c'est pour ça que ceux qui étaient comme ça, n'oubliez pas que les gouverneurs les égorgeaient hatta le jour de l'Aïd. C'était pas un jeu. C'est pas, tu dis ça, c'est pas grave. Dans un pays musulman, celui qui disait qu'Allah ne. Celui qui se permettait de dire qu'Allah n'a pas parlé à Moussa ou autre chose, c'était le jour de l'Aïd, il était égorgé, et les ulama, comme les marocains, disaient, il a péri le jour où les croyants sont heureux. Halaka yawma yafrahul mu'minun. Donc c'était pas hajaba, c'était. Tu mens sur Allah, ça c'est le plus grand péché. Mentir sur Allah, c'est ce qu'il y a de pire. Les moins graves, malgré que c'est pas bien de commettre un grand péché, que de venir mentir sur Allah dans les noms et ses attributs. Il n'y a pas plus grave et plus dangereux que cela. Ça, c'est le début, justement, de la sortie de l'islam. C'est le début de la porte pour sortir de la religion. Donc, on a vu par rapport au fait de prendre le Coran et la Sunna. On a vu que ces gens-là n'utilisaient quoi à la place? L'aql. Et l'aql, l'qiyas al-fasid, c'est ce qui ramène justement à la perdition. C'est ces deux points qui ont égaré aussi la majorité des gens. Et deuxième fondement, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance envers ses serviteurs. Et ça, c'est encore une fois une comparaison. C'est ce qui va nous différencier, ce qui va différencier les gens de la sunna du consensus par rapport au mu'attila, mais là dans un seul point. Et même au mushabbiha dans un seul point. Car nous, on croit et on accepte, on affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, ainsi que ce que nous a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc à partir du moment qu'il y a un texte du Coran et de la Sunna dans ce sujet, dans le domaine de la croyance, il est obligatoire pour nous, d'une obligation qui est bien sûr sûr et rassuré de savoir qu'Allah est attribué des noms les plus parfaits, les plus complets, les plus illustres, les plus nobles, les plus grands. Donc on peut donner tous les superlatifs possibles hein, pour montrer que, bien sûr, il est différent totalement de tout. Ses attributs sont totalement différents et largement meilleurs que tous les attributs que peuvent posséder les humains ou ces créatures. Donc à ce moment-là, il y aura impossibilité de faire quoi ? De faire al-mushabah. Et encore moins ta'til. Hein, c'est-à-dire ta'til, le fait de renier totalement. Parce que déjà, c'est déjà noté. Et surtout, on parle surtout par rapport à al-mushabah. Donc il n'y aura pas de mushabah entre les qualités d'Allah et celles de ses créatures. Le mal, le plus grand mal que puisse faire le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement le fait de ne pas reconnaître sa grandeur. C'est le fait de ne pas reconnaître sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Si tu ne reconnais pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne vas pas l'honorer comme il le faut, donc ça c'est le plus grand mal que tu puisses lui faire. C'est le plus grand mal que tu puisses faire. Parce que sache que tout ce qui vient après va découler. Ton adoration va ressembler à ce que tu penses sur Allah. Et là, c'est comme ça. Et aussi, donc déjà, alors comment ils sont arrivés à ça? Donc ils ont justement pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala, parce que avant de vouloir savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous a montré qui il est dans le Coran et la Sunna, ils l'ont déjà imaginé, fait dans leur intérieur, dans leur raison, hein, dans leur pensée. Ils ont déjà imaginé Allah subhanahu wa ta'ala dans leur pensée. Il y a déjà une chose de départ qui est fausse, parce qu'il imagine déjà là. Il imagine comment? En le donnant un ressemblant, en le ressemblant bien sûr à une créature, parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer autre. Hein. On sait bien comment que, s'il y a des gens, si tu disais comment il a là, peut-être qu'ils seraient capables de dire que hein, une grande barbe blanche, il a créé. Mais enfin, si on rentrait dans certains détails de certaines personnes. Donc, le cœur croyant, musulman, qui croit réellement aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc justement, et celui qui veut réellement donc glorifier et rendre illustre Allah subhanahu wa ta'ala, donc il doit donc éviter totalement justement de faire cela. Il faut que son aql, naam le aql, qui doit être sain, normalement, donc la raison qui doit être saine, elle ne doit pas être souillie, parce que ça c'est la souillure, le fait de vouloir justement hein, descendre Allah subhanahu wa ta'ala à quoi ? À ce niveau-là, au niveau de ses créatures. Hein, même si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de la meilleure façon. Même si c'est ça. Mais simplement, c'est trop différent. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de tout manquement et de tout défaut. Contrairement à nous. Donc la personne, elle doit avoir un cœur sain, une raison saine et de croire comme il le faut en Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, comme Allah a dit, laissa kamithlihi wa huwa as-sami' al-basir. Laissa kamithlihi, rien n'est comme lui, rien n'est égal à lui, rien ne lui ressemble. Ça suffit. Rien que ce verset, qui est une règle, est largement suffisant pour que ce n'est même pas la peine d'utiliser quelque chose d'autre. Tu n'as pas de base de données à utiliser que celle du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens du Ta'atil, toujours, donc ils n'ont pas compris dans le chapitre et le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui s'y est à quoi au makhluk, donc à la créature. À la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de cette compréhension, ils ont bien sûr fait une shari'a. Donc ils ont quoi? Ils ont légiféré à partir d'une mauvaise compréhension. Donc ils ont, comme on l'a dit auparavant, ils ont eu un i'tiqad. Et après, ils ont cherché après les distillèles. Alors que normalement, c'est le contraire. Tu regardes les textes et à partir des textes, tu comprends, tu vois ton intirade. Ton dogme, ta compréhension, ta science, elle vient, elle était comment ta science au départ? Elle était précédée d'ignorance. Ta science était précédée d'ignorance. Tu as appris, après tu as compris comment c'était. Mais eux, non. Ils l'ont précédé d'un savoir, mais sans apprendre. Ça, c'est pas possible. Donc ils ont d'abord dit « Allah, il est comme ça » et après recherche. Est-ce qu'il y aurait des textes qui vont nous aider? Est-ce qu'il y aurait des textes qui vont nous faciliter la tâche? Et pourquoi, voire même certains d'entre eux, si seulement ce verset n'était pas descendu? « Wa kalam Allah Musa taklima » Si seulement ce verset n'était pas descendu. Voilà ce qu'ils disent. Dalil comme quoi que le cœur, il est mort. Le cœur, il est malade. Hein? Malade ou mort. Ou bien plutôt gravement malade ou mort. À la kulhal. Donc, à partir du moment qu'ils ont légiférer à partir d'une raison qui était fausse. Donc ils sont arrivés à des résultats qui sont vains plutôt. Des résultats qui sont vains et qui sont faux. Des résultats qui sont vains et qui sont faux. Et qui ont en plus quoi? Sali et souillé leur cœur. Quoi qu'il en soit. Ils ont sali, ils ont souillé leur cœur. Parce que tu ne purifies ton cœur que par l'unicité. Tu purifies ton corps par la vraie unicité, par le vrai dogme. Tu ne vas pas le purifier par, justement, hein, donc le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et ses attributs. Une personne qui viendra mentir sur toi, sur tes qualités, sur ta personne, tu n'accepterais pas. Alors que dire le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala? Et les gens du Temsil, ceux qui ont dit qu'on ne comprend d'Allah subhanahu wa ta'ala que parce qu'on peut comprendre Allah lorsqu'il nous parle, Allah lorsqu'il nous donc, exhorte, c'est parce qu'on peut comprendre. Donc nous on comprend que quand Allah est descendu, enfin, s'est établi sur son trône, on comprend que c'est comme hein, la personne qui s'allonge sur son lit, sur son divan, sur son sofa. Parce que eux aussi ils ont encore une fois la même chose. Ils ont pris la même base de données de départ, encore une fois, c'est que quoi? C'est que justement, ils ont fait un tajbir en disant que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les celles, c'est-à-dire du makhluq, hein, de la créature, en disant que sa main est comme la nôtre, il a khili. Et al-arifuna bihi, ceux qui le connaissent, donc c'est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et ceux qui, non seulement ils le reconnaissent, mais en plus, ils acceptent ce que les envoyés leur ont dit, donc ils acceptent les enseignements prophétiques, ces gens-là, donc reconnaissent et affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est complet, il est parfait. Ils reconnaissent tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme certains, j'accepte celui-là, je renie celui-là, je fais ça. T'as pas le choix, c'est pas le Coran, tac au tac, je prends telle page, je prends pas telle page. Là. T'acceptes de A à Z ou pas t'acceptes rien. Donc c'est à partir du moment que tu as accepté certains, tu as refusé certains, on a vu le verset. On a vu le jaza. Qu'ils ont khizun fi hayatid dunya, et ils vont revenir vers Allah avec un châtiment, lui pire des châtiments. Et ça c'est voilà. Pour ceux qui jouent, il n'y a pas de jeu, n'utilise pas ton aql. Mon aql, c'est lui qui va décider de quelle page je veux du Coran et de quelle page je ne veux pas. Tu as commencé par Alhamdulillah, et tu termines par Nes. Et tout ce qui est au milieu, tu l'acceptes. Tout ce qui est au milieu, tu l'acceptes. Donc déjà, c'est déjà aussi un manquement, c'est un non-respect au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être comme ça, justement d'être et de vouloir commencer à choisir ce que tu veux dans le Coran et à rejeter ce que tu veux. C'est pas ça la religion. La religion, c'est pas tu vas dans un magasin, t'achètes ce que tu veux et tu rejettes ce que tu veux. T'achètes ce que tu veux et tu laisses ce que tu veux. C'est pas ça. La religion, tu acceptes, tu dois, même si tu parles maintenant pratique, même si c'est une certaine chose, laquelle tu dois tout accepter. Tu dois tout accepter. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Que ce soit pour toi contre toi. Que ce soit facile pour toi ou lourd contre toi. Que ce soit lourd, c'est-à-dire sur toi. Donc, ces gens-là, ils ont encore une fois donc, ressemblé subhanahu wa ta'ala à sa créature en disant cela. Et les gens de la sunna du consensus, ils affirment, ils ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala de ressemblant. Et aussi, ils vont rejoindre, ils vont allier entre l'isbet ou le nafi, dans le fait d'affirmer, le fait de renier dans le domaine du tajbih, et aussi dans le tanzih, et aussi adam et ta'til. On a du tanzih, mais le vrai tanzih, adam et ta'til aussi on l'a. Parce que justement, mais dans le tanzih, c'est pas dans le tanzih de ce que eux ils ont voulu faire croire. Dans le fait de. On parle pas d'Allah, donc c'est ça le tanzih. On dit qu'Allah n'a pas de nom et d'attribut, donc on l'a exempté de défaut, parce qu'on s'est tu. Parce que si on le disait, ça veut dire qu'on voudrait le faire ressembler à sa créature, soi-disant. Ça, c'est pas vrai. Donc, le madhhab des gens de la sunna et du consensus, c'est le bon madhhab qui est entre deux mauvais madhhabs. Celui du ta'til et celui du tajbih. Celui du ta'til et celui du tajbih. Et une guidée entre deux égarements. Et la troisième base, hein, lorsque on voit la différence entre les gens de la sunna et du consensus, ainsi que par rapport à l'arc al-Mushabiha. Donc lorsqu'on avait parlé de la troisième base ici, en disant qu'en vérité, nous, on était justement différents de dans tel et tel point, donc différents de toutes les sectes qu'on avait auparavant dans tel ou tel point. Donc maintenant, nous, on laisse, donc on va laisser ce qu'on appelle tafwid. On va laisser le kifia à Allah subhanahu wa ta'ala. Le comment, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on lui laisse sa science, elle est à lui. Allah subhanahu wa ta'ala se l'est gardé pour lui-même, il ne nous l'a pas montré. Donc on la laisse à lui. On appelle ça tafwid. L'âme, il est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'âme, c'est la science du kifia, la science du comment, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala seule. Nous, on n'entre pas dans ce domaine-là. C'est le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas notre ilm à nous. Hein, nous. C'est pas le nôtre. Donc on lui laisse à lui. Car aucun être humain n'a la science, c'est-à-dire du comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu te permets de parler sur le sifat, c'est-à-dire que tu te permets de parler sur zet, donc sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que zet, c'est une composition de sifat. Zet, c'est une composition de sifat. Donc tu ne peux pas parler de zet. Hein. Et c'est pas de la morphologie ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas le fait de dire qu'on est en train de quoi, de dessiner Allah subhanahu wa ta'ala comme eux le comprennent, comme si on le faisait ressembler. Allah a une essence qui lui sied à lui et simplement rien ne lui ressemble. Donc on va pas faire de tefsir dessus. On va pas faire de tefsir. Il n'y aura pas de tefsir. Il n'y aura pas d'explication sur le comment. Il n'y aura aucune explication. On ne va pas dire Allah est descendu sur son trône de telle façon. On ne va pas commencer à dessiner, on ne va pas commencer à expliquer un comment et autres. On laisse cela bien sûr à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est toujours dans le roulou. Parce que tu as un had que tu ne dois pas dépasser. C'est quoi le roulou? C'est mujawazatul had, al-matloub. C'est le fait de dépasser ce qui t'est demandé. Toi, t'es demandé de t'arrêter à l'ignorance du comment. Donc si tu entres dans le soi-disant savoir du comment, tu as fait quoi? Tu as commis un roulou. Tu as fait donc justement ce qu'on appelle du roulou, de l'exagération. Donc tu ne dois pas dépasser ce qui t'a demandé de ne pas dépasser, c'est-à-dire les textes du Coran et la Sunna, c'est-à-dire la façon de faire des plus prédécesseurs, comment ils ont fait. Tu t'arrêtes à eux, ils se sont arrêtés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit le comment, tu ne parles pas, ni son envoyé sur Salem, et ni ceux qui les ont suivis à la perfection, ils ne l'ont pas dit. Donc tu t'arrêtes comme ils se sont arrêtés. Et tu dois aussi avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi, bien sûr, ne t'a pas ordonné, ne t'a pas permis de parler de cela. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas permis de cela, de parler, d'entrer dans ce domaine. Il est interdit pour toi d'entrer dans ce domaine. Donc ne dépasse pas le Coran et la Sunna le Coran et la Sunna authentique. Ne dépasse pas le Coran et la Sunna authentique. Ne dépasse pas la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Et en plus, n'entre pas dans le domaine où il n'y a pas besoin d'entrer. Il n'y a pas besoin d'entrer dans ce domaine. La hajala. Il n'y a aucun besoin. Tout ce que tu as besoin, tu le sais. C'est dans le Coran et dans la Sunna. Ça, si ce n'est pas mentionné, c'est parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Naam. Et parmi les sifats des croyants, c'est justement de croire en l'invisible. Et parmi les choses invisibles, donc le plus important, c'est justement la croyance en Allah. Parce que donc on connaît les piliers de la foi. Hein, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le début de Sourate al-Baqara, il dit bien ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Et lorsqu'il leur donne un attribut, les muttaqin, les pieux, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en quoi? En l'invisible. C'est la première sifat des croyants que l'on retrouve dans le Coran. D'accord? On va retrouver la première sifat dans Sourate al-Baqara. Ceux qui croient en l'invisible. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, lorsqu'on l'a dit, il dit par rapport à ça, il dit la croyance en l'invisible, c'est l'origine de la croyance. Et donc, on retrouve après ces six piliers, les piliers qu'on connaît, les piliers de la foi, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, hein, au destin, au jour dernier, au destin. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Donc, dans plusieurs piliers, les livres, on les a devant nous. Les anges, certains hommes les ont vus. Il y a même beaucoup d'hommes les ont vus. Hein, Mathan, si on parlait donc de... Il y a les envoyés aussi, les gens les ont vus. Est-ce qu'Allah? Non. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Allah est le jour dernier. Ça, notre destin, on le connaît. Hein, on a déjà eu des passages dans notre destin. On les connaît. Ils nous ont été montrés. Hein, donc dans notre vie actuelle. Il y a les passages de notre destin qu'on connaît. On ne connaît que pas ce qui vient après, mais on connaît quand même ce qui nous est déjà été parvenu. On le connaît, c'est notre vie. Mais le jour dernier, Allah, ceux qui sont tout le temps associés dans le Coran, hein, le fait de croire en Allah et au jour dernier, ça c'est des choses qu'on n'a pas vues. Et celui qui croit en ça, donc il croit aux meilleures choses. Il croit aux meilleures choses. Donc c'est quoi? Donc Il croit aux meilleures choses, justement, de la croyance dans les piliers de la foi. Le fait de croire en Allah. Parce que tu ne l'as pas vu, il ne s'est pas montré hein, en ses serviteurs et tu crois en lui. Donc crois en lui, si tu as décidé de croire en lui dans tout. Comme il s'est mentionné, tu veux croire en lui. Par quel moyen? Tu n'as que le moyen du Coran et de la Sunna. Pourquoi tu veux inventer d'autres moyens pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Lis, apprends et regarde comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment était le compagnon du prophète. Tu ne vas pas trouver 3, 4, 5 chemins, un seul chemin, une seule façon de faire. Donc ne te dévie pas de leur voie. Ne te dévie pas de la voie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé d'eux. Agréé d'eux et qui leur donne le paradis. Et ne prends pas la voie de ceux qui se détournent d'eux et qu'Allah justement leur donne le quoi comme châtiment, justement l'enfer. Donc tu as le choix. Tu vois pas. Donc tu dois choisir celui-là. Donc, quand je dis tu as le choix, c'est pas que les deux sont bien. Tu as le choix dans ça. Maintenant que tu connais la vérité, tu as le choix. Fais ce que tu veux et tu verras de laquelle sera. C'est ça qu'on veut dire. Lorsqu'on dit crois ou tu crois pas, tu connais très bien le résultat. Donc tu dois en vérité croire lorsqu'on dit ça. Lorsqu'on dit fais ce que tu veux, ça veut dire fais ce que tu veux. Alors il dit bien des fois, hein, faites comme vous voulez. Maintenant que vous savez que le Coran et le Coran sunna est descendu, faites comme vous voulez. Alors celui qui va suivre, alhamdoulilah, ça sera lui sera bienheureux, celui qui ne va pas suivre, lui, ça sera lui le malheureux. Donc ça ne paraît pas dire dans le sens, je t'ordonne parce que c'est moubah, dans le sens qu'il est permis pour toi de faire ce que tu veux lorsqu'on dit ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a en plus dit à ses serviteurs qu'il n'englobe pas sa science. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la créature, n'englobe rien de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'englobe rien d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, de son essence. Lorsqu'il dit wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Donc ils ne connaissent pas hein, ou bien ils n'englobent pas de quoi que ce soit dans sa science de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu quoi que l'on connaisse le comment de c'est-à-dire le comment de lui-même hein, le comment de son essence. Donc le musulman, le croyant, le serviteur croit donc il va croire en ce qui a été mentionné dans le Coran, la Sunna, et va s'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la science. Il ne va pas dépasser, il ne va pas inventer. Il n'y a pas de falsafa derrière. Il n'y a pas de kelam derrière. On ne s'arrête, on ne dépasse pas ce qui a été mentionné dans le Coran, la Sunna, et on ne recherche pas des fausses sciences qui n'existent pas. On ne va pas à la recherche de ce comment, parce qu'on ne la retrouve pas. Ce n'est pas une science que tu enfouis chez quelqu'un. Ne pense pas que je vais retrouver sur la terre une personne qui a cette science, ou un savant qui a cette science. Elle n'existe pas. Elle n'a pas existé hatta pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc elle ne va pas exister pour autre que lui. Elle ne va pas exister pour autre que lui. Donc on a terminé pour ce qui est des trois bases. On aurait voulu continuer pour rentrer encore plus dans les détails par rapport toujours aux trois bases qu'on a dit auparavant, hein, par rapport au le fait de mieux rentrer dans le Coran, la Sunna et les autres. Là, il n'y a plus de temps, parce que machallah, on en a parlé déjà beaucoup. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.